C'est comme quand on me regarde, quand on riait comme ça. En fait. Je parle alors ou je parle pas. Non, tu parles. Ok. Éteignez alors le téléphone. Oui, vous mettez sur. Quoique si j'ai la Bible, c'est bien ici. En temps normal, en Israël, on la lapiderait. Lapider la femme? Oui. Je repose la question. Si c'était là, n'est-ce pas? Oui, ça ok. Donc, ma première question était, une femme qui vit avec un homme. Oui. Ils sont divorcés. Ils ont divorcé. Oui. Maintenant, la femme là trouve un autre monsieur. Attends, ils sont divorcés. Oui, divorcés. Femme divorcée. Oui. Ils ont des enfants. Divorcée avec le premier mari. Elle repasse ses parents et trouve un homme. Oui. Oui. Je crois une personne comme ça. Oui. Et qu'est-ce que la personne te dit? Non, en fait, je crois une personne comme ça qui ne connaît pas la parole. Qui oui. N'a rien à voir avec la. Oui. Si moi, si l'esprit me convainc de lui transmettre le message, oui. Moi je lui dis, sinon je lui ai déjà dit, c'est un cas que j'ai dit, je lui ai dit ma soeur, ta position là, bibliquement, tu n'as que deux choix. Ou tu repars avec le papa ou tu vis comme ça. Ou tu restes comme ça. C'est ce que la Bible dit. Et elle me dit, non, le mariage ne m'a pas épousé. Je lui ai dit, ok. Qu'est-ce que tu entends par épouser? Oh, mais là, ils disent qu'ils sont divorcés. S'ils sont divorcés, c'est qu'on l'a épousé. Mais c'est aussi curieux que possible. On ne peut pas dire, comme il croit que c'est quelqu'un, c'est ici que quelqu'un disait qu'ils se sont séparés. Qui disait ça ici? Si vous êtes séparés, ça veut dire que vous étiez liés. Comment vous étiez liés? Est-ce qu'on arrête une femme en route comme ça et dire, on va faire les enfants? Je lui ai dit, elle me dit non. En fait, elle veut justifier son péché, tout simplement. Après avoir expliqué à quelqu'un la façon que Dieu veut. Prenons Jérémie. La Bible va même plus loin pour dire ceci. Si une femme quitte un mari, elle part, elle devient la femme d'une autre personne. Si elle se sépare, le premier mari ne doit même pas la toucher. Si tu sais que c'est, elle a contaminé, il a contaminé tout le pays. C'est ça non, mon frère. Jérémie combien? Mon frère me regarde, il me dit que c'est la Bible là. Jérémie, chapitre 3. Aider la femme qui a trouvé Jérémie. Après, il va lui acheter. Je pense que tu as trouvé son mari là-bas. Assez tu pas là-bas. Viens quand même, c'est Jérémie 3. Vous dites, hein? Dès que vous dites, je vous dis. Je vous dis à Jérémie. Le verset 1 seulement. Verset 1. Si un homme renvoie sa femme, et qu'elle le quitte pour devenir la femme d'un autre. Cet homme retournera-t-il encore vers elle? Le pays lui-même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à les nombreuses amants, et tu reviendras à moi, déclare l'Éternel. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que vous entendez là maintenant? Tu as lu là-bas maintenant. Viens de ce côté. Déjà? Viens. Tu entends bien? Oui. Maintenant, explique-nous le verset 1, ce qu'on dit là. Je redis. Oui. Si un homme renvoie sa femme, oui. Elle est ma femme, oui. Je la renvoie. Oui. Elle va devenir la femme de quelqu'un d'autre. Oui. Bibliquement, tu ne peux plus la reprendre. Peux plus la reprendre. Ça, c'est clair. Tu dis, si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, c'est tout le pays qui va être souillé. Donc je vais vivre dans le péché pour avoir repris ma femme qui s'était remariée à elle. Bien sûr. Elle vit le péché automatiquement parce que c'est elle, mais c'est l'homme qui a blâmé là. Tu vois? Mais l'acte, c'est. On dit. Aide là, parce que. L'acte. Il y a trop de commentaires. Mais acheter une petite Bible alors dans le monde. Non, pas une petite Bible, mais avec celle-ci. Et tu vas d'abord t'habituer, tu vas penser Jérémie, c'est dans le prophète, et les prophètes sont dans tes jours. Alors, on dit le pays, lui-même sera souillé par ce seul acte. Et la Bible appelle même ça la prostitution. La prostitution. Ah, prenons Romains chapitre 7, maintenant lisons quelque chose. Romains. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres, puis Romains chapitre 7, les trois premiers versets. Attends d'abord, écoute qu'elle se retrouve. Vous y êtes? Tu as Romains 11, 7, 1 à 3. Je peux y aller ? À volonté. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée. Si donc, elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Vous avez entendu cela, hein? Maintenant, regardez-moi tout ça dans l'appartement de monsieur. Ça veut dire que même si elle n'importe quoi, la femme se sépare, elle passe mariée avec quelqu'un, elle est adultère. La seule possibilité, c'est qu'il meure et qu'il disparaît de la terre. Elle va même souhaiter qu'il meure. Mais même si tu souhaites, quand quelqu'un te souhaite que tu meurs, Dieu te donne longue vie. Mais donc, si tu avais des amis avec quelqu'un avant que tu ne puisses mourir. Je comprends. Attends, on a dit que la femme peut se mettre avec un autre homme. Si je meurs. Oui, à cause de tout, mais oui. D'accord, si tu es vivant. Donc, tu ne peux pas. Donc, si je te refuse, à qui des enfants, tu ne peux plus te remarier. Mais donc, si tu décèdes, donc, alors, tu es libre. Le lendemain, le jour, il est. Donc, si vous mettez des amis avec un autre homme avant que tu meurs. De mon vivant. Tu es dans l'adultère. Donc tu meurs mais tu restes dans la vie. Oui, tu joues dans la vie. C'est terrible, hein? C'est terrible. On est entré dans la phase de la restauration des voies de Dieu. Il faut qu'on comprenne bien. C'est pour ça que j'ai en train d'enseigner sur le mariage la sixième partie, je crois bien. La septième partie, j'en allais doucement parce que si ça va être sensible et je lui ai frappé fort, frappé vraiment fort. Normalement, on devait dire à une vieille fille qui veut aller vivre avec un homme. Est-ce que tu sais que tu t'engages, tu vas dans une prison? On peut dire, c'est pour ça qu'il y a un autre enseignement où j'ai intitulé le mariage est une prison. Il y a cet enseignement-là, le mariage est une prison. Donc, avant que quelqu'un s'y engage, il doit mesurer bien le prix. Donc, comme dans ce proverbe chapitre 20, verset 25, qu'est-ce que la Bible déclare? Mais toi, tu ne vois pas la Bible, mon cher. La Bible, c'est, mais c'est quand même curieux. Mais toi, tu ne vois pas la Bible, tu ne vois pas la Bible. Vous êtes spectateur là. Pourquoi vous ne voulez pas lire? Ou bien, vous avez peur de la Bible? Vous avez peur de la Bible ou quoi alors? Il fait comment? Côté Real Barça. Oui. Vous maîtrisez tous les. Les championnats depuis 1900. En tout cas, on a brossé aujourd'hui, dans la première partie de la journée, on a brossé aujourd'hui Novales, ou c'est Nova TV, ce qu'il a. Nova TV, et tous les choses que vous pouvez faire, c'est entre vos mains. Demain matin, je rentre dans mon pays via Brazzaville, et là, c'est entre vos mains. Amen. Le Dieu du ciel qui m'a envoyé ici, c'est que je vous ai dit ce qu'il fallait dire. Ok. J'ai dit quel livre déjà? Proverbe chapitre 20, le verset 25. Proverbe 25. Oui. Alors, je crois que vous êtes entré, vous êtes rentré avec un de ces trucs, si vous n'êtes pas rentré, revenez avec cela. Tu as trouvé le proverbe, à quoi tu sors? Oh, il y a des oui. C'est aux Hébreux, dans le texte. Au verbe, c'est l'ensemble de la parole. Vous connaissez complètement. Jean, tout ça, là. Celui-là, il veut garer les choses qui chantent là, seulement ici, qui viennent de là, il veut garer. C'est un peu traditionnel. Au verbe 20, les a trouvés. Tiens. Au verbe 20. Est-ce que tu peux lire la porte, mon cher? C'est possible. Non, lui, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Tu peux pas lire avec ça. Maintenant, le verset 25. Le verset 25 dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Vous entendez ça? Encore. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Maintenant, lis un peu dans ta version, tu vois. C'est un piège pour l'homme de crier. Oui. Ceci est sacré et après le vœu de réfléchir. Qu'est-ce que de crier comment? Bon, c'est Catherine là, maintenant, ça me suffit. Comment je sais, j'ai un problème de crier. Ah! Pourquoi ça fait? Oui, lisons là-bas. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement parti. Oui. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Oui. Maintenant, ouvrons Malachie au chapitre 2. Malachie, c'est avant Matthieu. Le livre où on parle de la dîme là. Où on appelle dîme, dîme, dîme. Que les pasteurs connaissent la Malachie. Tu connais ça, non? Malachie. Malachie chapitre 2, on va lire les versets 14 puis le verset 16. Malachie 2, 14 et 16. Oui. Okay. Et vous dites, bon, je prends le 13 pour avoir une idée. Hein. Mmh. Voici, ce sont les paroles de prophétie. Même si tu parles au 14, même si tu parles au 16, tu okay. Sens, c'est différents prophéties qui sont dites là-bas. Okay. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Vous entendez ça? On dit qui est témoin d'un Dieu mariage. Quand tu prends une femme, qui est témoin? L'Éternel. Et là, dans le Proverbe 20, il dit que c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement devant Dieu. Vous voyez, prendre l'engagement vis-à-vis de Dieu et ne le fait qu'après avoir fait cet engagement-là. Et ici, il dit que l'Éternel a été témoin entre toi et ta femme à la jeunesse à laquelle tu as trahi. Continuons. Donc, verset 16, oui. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel. Vous entendez ça? Dieu dit quoi? Je déteste le divorce, oui. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre son habit de violence, oui. Dit l'Éternel, le maître de l'univers, veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Vous avez entendu? Oui, vous avez entendu, non? Oui. C'est pour cela que je disais, je ne sais pas si c'est ce que je disais, quel que soit le problème qui se trouve dans un foyer, on peut trouver des solutions. Merci. La solution, ce n'est pas la séparation. La solution, la séparation veut dire, vous êtes tourné, mais vous avez dit, je ne peux pas respecter ces institutions-là, fous-moi le camp. C'est ce que vous venez de dire. Ouais. Donc, il dit bien, quel qu'en soit ce qui peut arriver, quel qu'en soit le niveau que ça puisse être, vous ne devez pas penser à la séparation. Vous entendez? Posez des questions. Donc, si une femme ou bien un homme veut vivre dans la liberté ou le libertinage, ce que tu fais, c'est tu restes tranquille sans t'engager. Et là, tu essaies de fermer, acheter une cardinale, tu fermes ta culotte avec. Que ta culotte ne bouge. Si tu sais que ta culotte va bouger, tu dois te chercher une femme ou bien un homme. C'est ça, non? Et quand tu le fais, sache que tu pars comme ça, au lieu de te mettre ton garçon en prison, c'est toi-même qui est maintenant en prison. Donc, tu vas supporter toutes les conséquences. Amen. C'est dangereux d'être marié. Comment prendre? C'est dangereux d'être marié. Mais quand Jésus a prêché, les disciples ont dit que si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, ce n'est pas avantageux de se marier. C'est ce que les disciples ont dit, non? Ouais. Mmh. Si on se marie, pas les enfants viendront d'où? De toutes les personnes, il y aura des gens qui vont respecter les institutions de Dieu. Un homme croit une femme. Oui. La femme lui fait savoir qu'elle n'a pas d'enfant. Oui. Le gars marie la femme. Oui. Il s'engage avec sa femme. Oui. Et découvre que la femme a des enfants. Oui. Elle vient me demander, monsieur vient me demander conseil. Tu lui dis que pardon, ta femme. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible déclare que ton frère, son frère approché, cette fois-là, je ne vais te demander pardon, tu lui pardonneras. C'est écrit que tu dois lui pardonner. Il a péché. Elle a péché seulement dans ce mensonge-là. Toi, il a menti à du péché. Et lui aussi. Il y a des hommes qui avaient des enfants dehors, les histoires à l'époque aussi. Quand elle découvrait, il faut qu'elle va divorcer tout cela. Il n'y a pas de motif. Elle m'avait trompé, elle m'a pas dit la vérité. Elle n'a pas dit la vérité. C'est une faute. Tu dois lui pardonner. Un point, un trait. C'est une faute comme tous les autres fautes. C'est peut-être comme elle pouvait dire, par exemple, elle pouvait avoir menti sur son âge, ou avoir menti sur son niveau d'éthique, ou avoir menti sur ses fréquentations. Puis après, la tienne te confesse, là, c'est la même chose, c'est le mensonge. Un homme croit une femme. Mais pourquoi tu es toujours avec les hommes et les femmes là-bas déjà? Donc tous les problèmes, vous avez dit à point noir, c'est l'homme et femme. Non, je vais juste voir quelques faits après, je vais pratique. Oui. Rapprochez-vous. Quand vous êtes dans le groupe de nomination, vous allez à l'hôtel, non? Rapprochez-vous. Voilà. Rapprochez-vous. Vous avez les séries de ces choses ici, là, donc. Ça va marcher. Vous la clé. Ok, parce que je vous oui, un homme croise une femme, ils se décident de vivre ensemble, ils ont un ou plusieurs enfants, et quelques années après, l'homme découvre que c'est sa cousine directe. Oui. J'ai des conseils quoi? Tu veux d'abord conseiller quoi? Bon, déjà que il y a un effet. Laissons d'abord que ça soit reposé. Si c'était sa soeur, sa demi-soeur. Peut-être l'enfant de Dieu. Il peut être rencontré une histoire encore plus compliquée que cela. Un homme qui rencontre cette soeur-ci. Écoute très attentivement. Ils ont des enfants après avec l'aventure. Après, ce qui se passe, l'enfant va en Europe. Puis celle-ci va encore rencontrer une soeur-là. Elle se marie maintenant. Ceci se sépare. Écoutez très attentivement. Et ils font les enfants ensemble. Les enfants aussi vont en Europe. Les enfants se ressemblent là-bas. En même temps, celle-ci n'a jamais dit à celle-ci là que c'est son enfant. Tu comprends cela? Que c'est son enfant. Après, il vient comme ça, vroum. Celle-là vient va voir son père, dit j'ai mon mari dans son pays. L'autre dit c'est possible. Les deux disent ok, on va venir chez nous pour nous marier. Les deux chez sa sœur, comme ça, la femme est au milieu. Personne parmi les deux ne sait que c'est le frère là-bas. Vous dites je ne peux pas me marier. La femme dit pourquoi l'opposition? Vous dites comment vous allez résoudre cela? Et en passant, en rentrant, il rentre avec deux petits gosses. Aïe. Vous allez faire quoi? Ah, franchement, si le conseil m'est demandé parce qu'il y a l'inceste et l'ignorance, je me dis est-ce que par l'ignorance Dieu va-t-il accorder l'inceste, Dieu va pardonner l'inceste? Je pense que comme ils ne savaient pas, logiquement, et qu'ils sont, ils connaissent la lumière, je pense qu'ils peuvent continuer puisqu'ils ne savaient pas. Ok. Posez des questions, frère. Vous savez que Abraham, Sarah était sa petite soeur. Non. Ah, c'est là, vous voulez me décapiter hier. Vous savez ça, non? Vous savez ça? C'est hier, mon pote. Mais, quand on a dit, est-ce que j'ai vu dans la Bible? Chaque fois qu'on me dit les mots, quoi, vérifie dans la Bible pour pouvoir aller dire. Parce que tu vas plus dans la Bible. Mais elle va lui demander que montre-moi où c'est écrit. Et c'est aussi simple que possible. L'histoire de Sarah et Abraham, il y a un endroit dans la Bible où on raconte. Quand ça fait un moment, ça dérange, tu dis donne-moi un peu de temps. Tu crois, tu t'assois, tu lis, ça, tu rencontres ça toi-même. Quand tu as entendu toi-même, ce n'est plus personne qui t'a dit, c'est la vie qui t'a dit. Donc Abraham n'a jamais menti, comme les gens le disent. Abraham utilisait l'avantage de l'un des volets qu'avait Sarah. Quand il arrive quelque part, il savait qu'il était en danger. Il dit que tu es ma soeur. Et donc ici, là, tu te comprends comme ma soeur. Il avait raison. À un moment donné, maintenant, c'est mon cas. L'apôtre Paul a fait la même chose. L'apôtre Paul? Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça, frère? Tu sais pas chez lui? Non, parce que. C'était vaste. Tu n'as jamais vu là où on l'a chicoté. Il a dit est-ce que vous êtes permis de taper un Romain? Le chef dit ah, tu es Romain? Il dit oui, je suis Romain. Là, à partir de ce moment, parce que les Romains ne doivent pas chicoter les Romains, traiter les Romains comme les autres citoyens. En fait, un temps où il a déclaré sa nationalité romaine, on l'a laissé tranquille. À un moment donné, il s'est fait un moulin d'une assemblée, il dit que moi, je suis Saul de la ville d'État, Benjamin, fils de Benjamin, parisien. Pas ça. Il est parisien finalement ou il est romain? Il est parisien finalement ou il est romain? Ah, comment? Il a la double nationalité. Si j'ai la nationalité, américaine, je suis ici maintenant comme Camerounais. Vous tentez de me faire que je sais qu'effectivement, en déclarant ma nationalité américaine, vous ne pouvez me faire ici que je suis américain. Même les policiers vont déposer les gens doucement comme ça, se fichent tranquillement. Parce que si je touche un américain, ils sont allés chercher un problème diplomatique entre votre pays et les États-Unis. C'est exactement cela. Or, si j'ai les doubles nationalités, j'ai le droit d'user une nationalité quand ça m'arrange. Voilà, c'est ça aussi la question dans la Bible. Mais ce n'est pas le mensonge. Des questions? Oui. Si un homme. C'est gentil, on se parle pour aussi des mariages. Si un homme, si une femme, si un homme, si une femme. Vous allez le dire. Bon, avant qu'il soit chrétien, oui. Il est divorcé avec sa femme. Oui. Il a trouvé une autre femme. Oui. Et après, il est chrétien. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est. Il n'est pas dans la voiture parce qu'il est divorcé. Il n'y a pas le divorce des chrétiens, il n'y a pas le divorce du monde. Divorce, c'est divorce. Dieu a dit qu'il est le divorce. Point final. Mais après cette deuxième femme, mais c'est une deuxième chrétien. Non, c'est pas cela, c'est pas une deuxième femme. Elle a la femme qu'il a laissée quelque part. C'est pour ça que les gens auront des comptes à rendre à Dieu grave. Il y a de quoi Dieu doit susciter les gens pour pouvoir restaurer ces choses-ci. Parce que beaucoup de personnes disent, vous dites, divorce parce que vous voyez que elles ne sont plus dans les mêmes maisons. Il y a des gens qui sont dans les mêmes maisons, mais ils sont divorcés devant Dieu. Dans les mêmes maisons, sous le même toit, ils sont divorcés. La femme va dormir avec les enfants. L'homme dort là-bas. L'homme se tourne comme ça. C'est comme même dans le même lit. C'était toujours là-bas. Et dans la même maison, laisse-moi. Laisse-moi. À partir de tout. Elle s'est tournée. Oh. Et la Bible donne un commandement que la femme ne se prive pas de son mari, que son corps ne lui appartient pas. Donc si le monsieur comme ça, il dit la Bible, il dit, oh, je ne peux pas te donner ma chose là. Tu vas lui donner. C'est ça, non, après le débat. C'est un droit divin. D'accord là. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le vrai problème, c'est ici. Vous aimez les choses comme ça, quand toutes les choses comme ça. Quand il dit poser autre question, là, vous allez rester silencieux comme la tombe. Bon, maintenant, j'ai dit ceci. Lorsque le monde s'est vautré dans le boublier comme ça, c'est pour cela que Dieu a suscité une sainte postérité, appelée la postérité d'Abraham, ou encore plus simplement, les chrétiens. Pour qu'en vertu de l'onction qu'ils reçoivent pour pouvoir obéir à la loi de Dieu automatiquement, et puis montrer à la lumière du monde que voici comment on doit vivre ce que Dieu veut. Malheureusement, les mêmes choses qu'on reproche aux païens, les chrétiens ont cela. Et bien plus grave, la confusion se trouve en plein dans leur milieu. Pourquoi? Parce qu'on se trouve en plein dans Babylone. En plein dans Babylone. Il y a des gens qui reprochent à leur mari que tu ne m'as pas marié parce que tu n'aimes pas venir me doter. L'autre dit que tu ne m'as pas marié parce qu'on ne m'a pas encore marié à l'église. Tout ça, c'est fâche parce qu'elle dit que je ne sais plus que je suis marié, je ne suis pas encore allé communier. Parce qu'on dit que je ne suis pas marié à l'église. Vous voyez des choses là. Dans sa tête, c'est qu'elle n'est pas mariée. Il y a beaucoup de choses à restaurer. La question d'abord, c'est est-ce qu'on veut obéir Dieu ou les hommes? Il faut que cette question soit d'abord tranchée. Si on veut obéir à Dieu, ça veut dire que toutes les traditions que les hommes ont établies, si ce n'est pas compromisé, ça ne nous concerne pas du tout. C'est la guerre, c'est le problème. La guerre a été déclenchée depuis, c'est une nouvelle guerre. La guerre était le jour où tu dis que Seigneur, j'ai décidé maintenant franchement de marcher avec toi. La Bible déclare vous aurez des tribus. Ça peut venir dans tous les côtés, dans le travail, dans ta famille, ceci. Donc, pour le mariage, ce n'est un cas parmi tant d'autres. D'accord? Vous savez, vous me voyez comme ça, n'est-ce pas? Je suis radical jusqu'aux os. C'est pour ça qu'ils ont cherché le mot fanatique, ils n'ont pas encore trouvé. C'est pas ça du tout. C'est pas ça dont c'est question. C'est que si la Bible dit A, on dit le même A. Si ça bouge plus. Oui. Une question. Suivant le message que vous nous donnez ce soir, maintenant, si il arrivait par exemple, le père de la soeur Grace demandait par exemple que tu prennes ta fille en mariage. Mais non, je l'ai appris. Oui, ça tombe de façon que tu. Je la prenne comment encore? Je l'ai appris en mariage, ça ne peut plus se passer. Ils sont très assez intelligents pour ne pas m'affronter pour dire des choses comme ça. Son père peut peut-être comprendre. Il va venir arracher Grace dans la maison, c'est ça? Dis-moi, pour que je parle de mon cas, il va venir dire à Grâce que Grâce sort d'ici pour avaler, c'est ça? Son père est assez intelligent pour dire à Grâce que après Dieu, c'est ton mari. Il a dit ça plusieurs fois. Non, il a dit ça. Comme vous là, c'est votre cas avec vous. Et moi, je vous parle dans votre cas. Parce que chacun est cas par cas. Donc, tu parles de ton problème avec ton beau-père. Tu comprends ça? Tu vois ce que je dis? Et ma belle famille. Mais c'est ça qu'ils sont avec ta belle famille. Tu parles de ton problème avec eux. Moi, j'ai déjà résolu mon problème. Voilà. Donc, tu vas subir cette vérité avec ta belle famille. Tu vois, je l'ai dit dans l'enseignement, non? J'ai dit ça dans l'enseignement déjà. Donc, les seuls panémiques disent que le frère et le camarade qui vient prendre ma femme ici. Non, ça ne marchera pas comme ça. Tu dois résoudre. Tu dois affronter le problème. Si tu es venu te donner une solution pour le cas de ton mariage, le jour où tu seras dans ton emploi, on va dire, ou tu fais la corruption sur ton renvoi, on se met 4 millions. Si tu étais dans un travail, on te dit, fais la corruption et on t'envoie. Je ne réponds pas à cette question. Chacun doit être face à son destin et résoudre ses problèmes, prendre position. Parce que lui, tu es en train de ta vie éternelle, tu n'as pas envie de partir de ta vie éternelle. D'accord? Si tu savais que c'est comme ça que la vérité, la vie dit qu'elle marche dans la vérité. D'accord? Un homme vit avec une femme. Toujours. C'est toujours le problème de femme et de l'homme. Je prends un peu de temps et de temps. Oui. Ils ont un enfant. Oui. La femme décide d'abandonner l'enfant. Oui. Elle va pour toujours. Oui. L'homme là, et tu seras marié. La femme n'a même pas dit qu'on a fini. Elle est portée du sang. Elle est partie. Elle a négligé l'enfant. Elle a négligé. L'homme a attendu 8 années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La femme ne revient pas. Oui. La paix n'est pas être sa. Elle ne vient plus jamais. Oui. Supposons que tu es marié le lendemain, elle vient. Je sais de parler seulement là, le problème. Supposons après avoir fait 12 ans ou 15 ans, si tu es marié aujourd'hui, elle revient. Qu'est-ce que tu dis? Je dois me rassurer que tu n'es pas marié là où il est parti pendant ces 12 ans. Oui, et celle-ci, elle dit oui. Tu n'étais pas marié? Oui. Tu vas pas me répondre, c'est ta femme qui a. Non, mais je suis attentivement. Si elle était partie, elle n'a pas touché, aucun homme ne l'a touché. Je regarde. Avec l'autre que tu as appris. Je viens de marier. Oui, tu fais comment? Je suis déjà. Donc, entre vous deux, qui a en premier adultère? C'est moi. Vous voyez, c'est une chose terrible. J'arrive là, il faut que on réponde à cette question. C'est une chose terrible pour une femme de se soustraire à de son mari. Je vais vous donner un petit aperçu maintenant. Je vais prendre l'enseignement, d'accord? On va lire quelque chose et je vais certainement vous dire quelque chose qui risque de vous choquer. 1 Corinthiens chapitre 7. On va finir de lire et puis je vous dis ce que je vais dire. Que Dieu notre Père vous bénisse. Il y a des fois où vous lisez la Bible, vous croyez que vous avez lu. Vous venez lire la même Bible comme ça, là, après un temps, vous voulez jeter votre Bible. 1 Corinthiens chapitre 7. Vous y êtes, c'est moi qui vais lire cette fois-ci. Bon, je crois que je vais donner à partir du verset 8. Frère Eva, je veux que tu me lises le verset 8. Quand tu vas lire, lis doucement, parce que bien, je vais te dire stop. Allons-y. À ceux qui ne sont pas mariés et pour eux, je dis qu'il est bien pour vous de rester comme moi. 9. Mais s'il ne peut pas se baptiser, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de devenir de divisé. Oui, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur. C'est bon, d'abord. Vous voyez que ici, l'apôtre Paul parle des deux situations. Et dans les deux situations, la première situation donc qu'il adresse, c'est lui qui parle. Mm-hmm. Il dit que si vous manquez de maîtrise de soi, mariez-vous. Il parle aux veuves et à ceux qui ne sont pas mariés. Vous voyez? Il dit que si tu sais que tu ne peux pas rester comme ça sans te marier, si tu sens ton corps, quand un homme part, il dit marie-toi. Maintenant, le verset 10 dit qu'il ordonne, paragelos, il prescrit, puis il précise que ici il ne s'agit pas de lui, mais le Seigneur. Donc c'est un commandement. Attends, c'est un commandement. Je veux qu'on on dit ça ensemble. Allons-y. Verset 10 encore. À ceux qui sont mariés, oui. J'adresse. Non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction. Oui. 2 points. Oui. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Stop, souvent là-bas. Je ne sais pas si dans ta Bible, le verset souvent commence par une parenthèse. Non. Libre. Oui. Si. C'est vers le. Non. On ne voit pas le ok, mais peut-être, c'est moi, je ne sais pas pourquoi je suis à la vous avez une différente version. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai fait stop. Sinon, on devait lire. Vous savez ce qui se passe. Mm-hmm. Maintenant. Remarquez bien, vous avez vu le haut verset 11, ça commence par si. Et normalement, comme tu n'as pas de parenthèse, ceux qui ont de parenthèse, ça va finir par son mari. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok, donc, ça va nous parler de quelque chose entre parenthèses, n'est-ce pas? Oui. Écoutez très attentivement, sinon on n'est pas mis saisi. Ce qu'on a mis entre parenthèses, ne lisez pas. D'accord? Vous allez lire dans le verset 10 et puis vous lisez la dernière partie qui est hors de la parenthèse. Allons-y. À ceux qui sont mariés, oui. J'adresse non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, oui. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Oui. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu n'as pas la parenthèse. Ah, moi je n'ai pas la parenthèse. Non. Donc, c'est tout à l'église là, tu es dans la parenthèse. Alors, il lit le 10 et puis la partie de la parenthèse là. Quand on va le regard, après on va te donner la soie, mettre une petite parenthèse, alors pour saisir cette chose-ci. Allons-y. À ceux qui sont mariés. Oui. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Donc, vous voyez, cette phrase-là, que à ceux qui sont mariés, le Seigneur ordonne, Pourquoi? Que la femme ne se sépare point. Point, ça veut dire quoi? Jamais. Mais la religion avait jamais. Allons-y encore. Le Seigneur. Que la femme. Non. Relis bien pour qu'on puisse saisir. À ceux qui sont mariés, le Seigneur ordonne que la femme ne se sépare jamais de son mari. C'est un commandement. Vous avez suivi ce que votre Bible dit en Amen. Maintenant, lisez maintenant la suite hors de la parenthèse. Allons-y. Et que le mari ne réduit point jamais sa femme. Amen. Maintenant, ça va choquer là. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Lisez maintenant à haute voix la parenthèse. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Maintenant, regardez-moi bien dans les yeux. Regardez mes yeux bien. On ordonne à la femme de se réconcilier à son mari. Mais on ne dit pas ça à l'homme. Amen. Ça devait vous faire réfléchir quatre fois là, dans cet homme. Vous regardez bien mes yeux, non? On dit que si elle est séparée, elle n'a que deux alternatives. Elle, pas lui. Regardez ce que je vais situer attentivement. Ça, c'est choquant. Et c'est le commandement que j'ai donné ici. On devait résoudre, comme on dit, on devait résoudre à égalité. On devait dire si l'homme se sépare, qu'il nous y reste comme ça, ou bien, il se marie. Mais ce n'est pas dit de l'homme, c'est dit de la femme. Donc on n'a pas un problème avec Dieu. C'est la femme, elle se réconcilie avec son. Elle est obligée de se réconcilier. Donc quand la femme souhaite du mariage, elle a ces deux alternatives. Soit elle se réconcilie, soit elle demeure sans se marier. Mais, je veux que vous regardiez que cette condition n'est pas imposée à l'homme. Allez, quand je vais faire le vrai Jésus, je vais te demander pourquoi. C'est moi qui ai écrit ce qui est écrit là-bas. La seule chose qu'on a eu avec Jésus, c'est le. Vous voyez, n'est-ce pas? Cette chose se trouve dans la dimension de l'époux Christ. Cette chose se trouve dans la dimension de l'époux Christ. Parce que dans les normes les plus normalisées normalement, la femme n'a pas le droit au divorce. Donc pour une femme d'aventurer, pour dire je ne me sépare pas de toi, c'est grave. Oh, ok, maintenant, c'est choquant également, n'est-ce pas? Si tu vois un garçon à vous, tu vas dire, pardon, je vais t'épouser. Dans ce cas, si tu veux épouser, pourquoi tu veux divorcer? Ah, clair. Wow. Si tu ne veux pas aller demander un mariage, pourquoi tu veux divorcer? Donc tu vois toi-même naturellement, tu ne dois pas aller demander à un homme que je t'épouse. Dans ce cas, comment tu vas lui dire que je te divorce? Il aura même peur. Que je te pose, il dit non, là c'est trop facile. Là, c'est sûr que tu as un piège là. Vous voyez? Mais la Bible prophétise que sur la terre, la femme va épouser les hommes. C'est écrit dans votre Bible, dans les prophètes. Voilà. Hein? Alors, cette Bible ici me dit, je vais arriver. C'est pour ça que le cas de divorce, là, il va falloir que je prenne du temps là-dessus pour bien éviter, pour que ça, quand les gens écoutent ça, que ça soit une fois pour toutes réglé. Alors, la femme, en réalité, en gros caractère réalité, n'a pas le droit de divorce. N'a pas le droit d'aller demander le divorce. En réalité. Vous me suivez, frère? Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou est-ce qu'elle se réconcilie avec son mari? Donc la femme se sépare, l'homme répudie. Vous voyez la différence là? La femme se sépare, mais l'homme répudie. La femme n'a pas le droit de répudiation. Mais ici c'est écrit, le mari ne répudie pas. Lise le verset 11 là, après la parenthèse. C'est que le mari ne refuse. Je veux dire, la personne qui peut répudier ou qui ne doit pas répudier, c'est l'homme. La femme n'a pas autorité. Vous comprenez ce que je dis? Je suis attentivement. On ne dit pas que la femme ne répudie pas son mari, parce que la femme n'a pas le droit de répudier. Oui. C'est le mari qui répudie. Le mari également. Ah, non, pas. On dit, non, le mari, il a le droit de répudier, en parenthèse, mais on lui dit, il n'exerce pas ce droit-là. Mais, enfin, lui, il peut répudier, mais la femme, non. Mais en lui défendre, il y a une personne qui est droite. Matthieu, je peux le 19. Comment? Matthieu, 19. Vous êtes tous bien ouverts. Vous êtes là déjà, hein? Oui. Je vais être moi, je vais lire. Veillez, veillez sur veillez. Veillez sur veillez, je vais vous donner. Ça va pas passer. Le capitaine dit que ça va dire que ça, vous êtes prêts maintenant. Je vais lire à côté de verset 1. Lorsque Jésus-Christ achevait ses discours, il quitta la Galilée, dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Tout le monde dit, n'est-ce pas? Oui. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Écoutez ça maintenant. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ça, c'est la question moderne, n'est-ce pas? C'est la question que les débats, fait débat tourne de tout autour, comme ça, vous me posez encore. Jésus a répondu directement en renvoyant au commencement. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Cette seule phrase, l'homme et la femme, ça se pose, il veut dire par là que le Créateur, dès le départ, a voulu que l'homme soit avec la femme. Parce que dans, à la création, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Remarquez que Dieu a dit c'est lui qui va faire une aide semblable à l'homme. Alors, la femme, normalement, qu'un homme trouve qui est vraiment la femme, qui est sa femme, est la vraie, la Bible appelle ça un don de l'Éternel. Et donc, quand tu trouves dans le don de l'Éternel, comment tu peux refuser le don de l'Éternel d'en sortir devant Dieu? Comment? Salomon a eu 1000 femmes, mais parmi toutes les femmes, il n'y avait même pas une. Sa vraie femme dedans. Parmi, comment ma soeur? Mais la femme éthiopienne. C'est celle-là que tu as choisi pour lui, comme ça. Mais parce que c'est avec la femme éthiopienne qu'il a eu à passer. Même si la femme estime, quand tu fais 10 mois avec une femme, je pense que c'est sa femme d'art, tu l'aimes. Si c'est quand on danse dans le monde, fait l'anniversaire, qui veut danser le slow avec la sœur, on dit que c'est la titulaire là-bas. Quoi que c'est dans le monde faisait. Posez la question, vous dites quoi? Non, la question, c'est que nous avons dit, il a eu ses pieds des continents. Oui. Donc, ça, il vient de parler de sa femme. Elle parle de l'église, ça n'a rien à voir avec sa femme. Mais pourquoi parmi ses femmes, comment il a reconnu qu'il y a des femmes? Bonne question. C'est pour ça que Dieu lui a donné, il fallait la sagesse pour savoir qu'il n'y a pas une femme parmi. Dieu a dû lui donner un don que personne n'a pour pouvoir savoir qu'ici il n'y a pas de femme. Mais c'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit dans la Bible. Alors là-bas, lui avant de revenir à Matthieu, vous me regardez comme si c'était moi qui avais écrit cela. Quand je parle que je croyais que c'est moi qui s'en étais Ecclésiaste. C'est encore un des problèmes là, vous trouvez Ecclésiaste là-dedans. Vous trouvez proverbe quoi? Le psaume, après le psaume, vous avez dans le proverbe, après le proverbe, vous trouvez Ecclésiaste. Chapitre 7 d'Ecclésiaste. Et pas que vous allez lire ça maintenant, vous allez voir. Où vous êtes? Chapitre combien? Chapitre 7 d'Ecclésiaste. Je pense que tu cherches là-bas, mon frère. Ouvre d'abord les psaumes prioritairement. C'est psaumes. Quand tu ouvres les psaumes, après, tu vas trouver Ecclésiaste. Alors, frère Théba, lis le verset 25 d'abord, dans ta version, je suis. Écoutez les enseignements. À haute voix, frère. Verset 25. Oui. J'ai appliqué mon cœur à connaître. Oui. À explorer. Oui. Et à rechercher la sagesse. Oui. Et la raison des choses. Oui. À connaître la stupidité. De la méchanceté et la folie de la sottise. Vous avez entendu ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Ma soeur, est-ce que tu y es même déjà? Tu y es? Je suis sur le stade. Chapitre 25. Verset 25. Allons-y, lisons encore cela. C'est même pas là, on a déjà dit. Moi, vous voyez l'onction qu'il avait. Allons-y. 25. Encore. J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer. Et à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Écoutez, vous avez vu comment il a examiné. Il a fait les recherches scientifiques dans tous les domaines. Maintenant, regardez très bien la conclusion. Vous savez, quand on fait des recherches, après on publie ses recherches. Il a fait ses recherches dans le revue scientifique de Dieu. Il a publié ses recherches. Suivez l'histoire dans le verset 26. Verset 26. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera. Mais le pécheur sera capturé par elle. Vous avez entendu ça? Vous Vous avez entendu, ce n'est pas encore fini, on arrive. Donc quand il faisait des recherches, il a vu que si on place la mort comme ça, on place une femme qui ne respecte pas la norme de Dieu, il préfère prendre la mort que la femme-là. Il dit, il a dit qu'il a trouvé plus amer que la mort. Si une femme est plus amère que la mort, vous serez mieux de réfléchir avant de vous annoncer dans le mariage. Donc voilà les recherches, c'est un truc qu'il a fait, il a son... Pourquoi la faute au Paul après, elle est bien, il est bien qu'il On avance. Voilà pourquoi la Bible parle de la femme vertueuse. La femme vertueuse. Et la Bible déclare dans ce proverbe-là que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand on dit une femme, mais il y a les femmes qui se balancent partout, que je vais parler de quoi, oh, j'ai trouvé le bonheur. La Bible dit. Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'habiter sur un toit avec une femme querelleuse. Est-ce que la Bible dit? C'est juste. Okay. Maintenant, la Bible déclare ici là donc une femme dont le cœur est un piège et les mains des filets, elle est plus amère que la mort. Donc on met la mort, on met celle à les femmes. Salomon dit, tuez-moi. C'est pas tout fini. Continuons le verset suivant. Verset 27. Oui. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. Écoutez tout attentivement. On examinait les choses une par une pour oui. comprendre la raison. Oui. Et voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. Vous entendez? Continuons. J'ai trouvé un homme digne de ce nom oui. sur mille, oui. mais je n'ai pas trouvé une femme parmi eux. Parmi eux, n'est-ce pas? Parmi eux, pas vraiment ma soeur. Je me dis que les choses que Salomon a fait, il n'a pas trouvé de femme. Ou dit, vous me regardez comme si c'était moi qui avais dit. C'est lui-même qui a dit que parmi les hommes qu'il a pu chercher, il a fait les ignorants. Il a examiné chaque chose. Quand il prend le foulard, il dit pourquoi le foulard? Pourquoi telle chose? Pourquoi l'ongle est ici? Pourquoi les fourmis sont comme ça? Pourquoi les rois sont. Pourquoi? Il a gardé des réponses à tout. Il est arrivé sur les femmes. Il prend la Sunamie, ça ne donne pas. Il prend l'Éthiopie, ça ne donne pas. La Gilgazia, ça ne donne pas. Il prend le Sona. La Samaritaine, ça ne donne pas. C'est pour ça qu'il avait, c'est pour ça qu'il avait 1000 femmes. Donc Salomon était dans le laboratoire de Dieu pour tester le cœur des femmes pour nous dire, mes chers amis, vous qui arrivez là-bas, faites attention. Il nous a dit, faites attention. Après, il conclut que si vous parvenez à trouver la femme dans votre vie, c'est le don que vous apprenez de Dieu. Donc pour lui, il n'a pas trouvé. Dieu a donné la sagesse de chercher, il n'a pas trouvé de femme. Alors je pose la question, qu'est-ce que Dieu appelle par femme selon lui? Vous devez réfléchir très bien. Quand une bonne femme, c'est celle qui prépare son mari. Prépare son mari. C'est aussi qu'une femme prépare, elle est une bonne femme. C'est pas ça. Vous devez aller devant Dieu encore dans votre tête pour savoir ce que c'est quoi une femme que Dieu attend pour son mari. Voilà pourquoi donc, quand les femmes ne connaissent pas les caractéristiques que Dieu les attend, elles sont mal barrées. Vous allez beau dire n'importe quoi, vous n'importe quoi, vous êtes mal barrées. Comment? Ils sont mal barrées. Ils sont mal barrées, oui. C'est pour ça qu'il y a... Absolument, je ne sais pas ce que je veux dire. Maintenant, suivez attentivement. Il y a deux enseignements que vous avez reçus. L'un des enseignements, c'est femme comme agent de destruction massive. Et l'autre, c'est femme, vous avez des problèmes avec Dieu. Voilà, le petit, voilà les deux titres. Ces deux enseignements-là, quand vous allez suivre, vous allez regarder à l'autre, vous allez réfléchir très bien, vous allez dire, Seigneur, change mon état. Femme, vous avez des problèmes avec Dieu. Avec Dieu. La, vous ne savez pas cela. Lorsqu'on prêche des gens, on va dire, ah non, mais la foi est dans le cœur. Si on parle dans ton cœur, on va trouver quoi? Là, Salomon est allé dans son zoom. Il a pris le télescope de la sagesse. Il a fait comme ça, là, guetter le visage d'une femme, il dit, waouh! Il a dit, waouh, son visage. Après, il dit, waouh, vous voulez voir ce qu'il a vu dans son cœur? Je vous dis ce qu'il a vu dans son cœur. Il a vu un filet qui est caché quelque part. C'est ce qui est écrit là. Il dit que la femme dont le cœur est un filet et un piège. Comment il a fait pour savoir qu'il y a un piège dans le cœur d'une femme? Parce qu'il a cherché la sagesse. Alors, il dit que tous ceux qui sont agréables à Dieu, la seule possibilité d'échapper à ces choses de femme, c'est que tout soit agréable à Dieu. On dit que les péchés sont pris par elle. Les péchés seront pris par elle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Allons dans le chapitre 6. Vous voulez qu'il parle? Vous voulez pas qu'il parle? Vous voulez pas qu'il parle? On veut y aller. Donc, pour Salomon, vous prenez les chansons de nuit, vous pouvez trouver un homme bon là-bas, loyal. Mais prenez toutes les femmes, cherchez la femme de Sidon, vous allez voir. Proverbe chapitre 6, on y va. Nous allons lire les versets 20 à 25. Vous allez voir. Allons-y. mon fils, oui. garde le commandement de ton père oui. et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Oui. Lis-les constamment sur ton cœur. Oui. Attache-les à ton cou. Oui. Ils te dirigeront dans ta marche. Mm-hmm. Ils te garderont dans ton lit. Oui. Ils te parleront dans ton réveil. Oui. À ton réveil. Oui. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Vous entendez ça? Ouais, pourquoi si on voulait vous enseigner parce que vous êtes dans les ténèbres? Continuons. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Oui. Ils te préserveront de la femme mauvaise. Donc vous voyez que le problème de l'homme d'abord sur la tête, d'abord c'est quoi? On dit tous ces enseignements-là, d'abord quoi? Vous d'abord, un, vous êtes préservé de qui? La femme mauvaise. Dans l'autre version, on dit la femme corrompue. De la non. Vous voyez, les femmes mangent, si tu dis que tu es une femme corrompue, elle va dire, ah moi, non, je ne vais pas à l'église, chanter à la chorale. Mais tu veux te le caractériser, allons-y. Des flatteries de l'inconnu. Oui. Ne combat pas sa modélité. Vous entendez? Donc quand une femme est déjà belle, elle a un problème d'abord pour commencer. Vous me dites, ah ça, c'est qui là-bas? Vas-y. Oui. Ne combat pas sa beauté dans son cœur. Oui. Ne te laisse pas prendre par ses œillades. Les œillades, ou bien le pierre. J'aime ce mot-là, œillade. Montre-moi les œillades. Paupières. Tu peux la paupière de ta femme, va mon cher. Ah, les œillades. Ouais, pourquoi mettre des choses là-dessus, non? Donc, le temps de fond, ne sachant pas ce qui est vide dans la vie. Salomon dit clairement que plus tard, ils vont mettre des choses sur les œillades là pour te séduire. Donc, le but de mettre ça, c'est la séduction. Mais elles font comme ça, elles prêchent. Elles font comme ça, elles crient. Elles font comme ça, elles louent Dieu. Tu veux dire qu'elles sont dans les célestes de Satan, ils comprennent pas. Vous entendez les voitures. C'est les femmes pour la voiture. C'est l'époque. Vous suivez là, hein? Oui. Alors revenons là avant qu'il parle des femmes. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. La femme, c'est une bombe à destruction massive. Elle envoie en enfer plus que tout autre péché. Maintenant, regardez ici. Ce livre-là dit dans rentrant dans notre matin, je vous disais, parce que là où ça nous a amené là. Préparez le terrain parce qu'on va y aller. Mathieu, c'est là où nous avons commencé. Quand on passe, non, d'abord, vous oubliez là où on est passé, là où on est passé, hein. Matthieu 19. Nous disions dans Matthieu 19, vous nous faisiez poser tout ça à Jésus, non, mon frère. Dans le verset 3, nous avons dit, enfin, nous étions au verset 4 où il a répondu, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? C'est ça, non? Que au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, on dit que c'est le Créateur qui avait dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, et ça tâchera à sa femme et les trois deviendront une seule chair. Les deux. Combien les deux. Et continuons seulement. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Plus comme plus. Que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a agi. Plusieurs choses sont dites ici. Aucun être humain ne doit s'initier dans un autre couple pour créer la séparation sous aucune forme. C'est le commandement ici. Que l'homme donc ne sait pas jamais ce que Dieu a. C'est ça, non? Maintenant, dites-moi. Qui joint le mariage? Qui joint l'homme et la femme? Dieu lui-même. Hein? Dieu lui-même. Qui donc peut donc les disjoindre? Comment Dieu va disjoindre quelqu'un? Disjoindre. Ça, tu sais, puisqu'on a dit on les a joints, non? Quand tu joins, tu peux te disjoindre. Mais quand un homme vient dire, déchire l'acte de mariage, va au tribunal, vous séparez. Ou quand vous vous séparez, ou alors vous êtes séparés. C'est pour cela que quand vous allez au tribunal, vous faites vos choses, vous dites que vous êtes divorcé, vous fuissez libre maintenant. Vous êtes libre à l'égard de la loi humaine, devant Dieu, vous êtes marié. Parce que ce n'est pas l'acte de mariage qui fait de vous les mariés. Si les gens peuvent comprendre ça, ça ne finit pas dans ces choses-là. Il dit que non, il y a tel que ma procédure de divorce finit d'abord au tribunal. Ta procédure de divorce finit au tribunal. Aucune procédure n'est lancée ou si c'est contre toi. Je ne sais pas si je me suis. Alors le Seigneur Jésus nous a dit là-bas par le commandement dans un Corinthiens chapitre 17, nous avons lu aujourd'hui les versets 10 et 11. Tu vas encore nous dire ça même 7 fois, mon frère. Bon, maintenant, il a dit dans un Corinthiens chapitre 17, verset 10, où nous avons lu la parenthèse là, il a dit que l'homme ne répudie point sa femme. Bon, nous avons lu dans la chapitre 2, verset 14 et verset 16, là, il dit qu'il hait la répudiation, le divorce. Continuons ici la lecture, on arrive. Je veux dire, préparer l'éternel des gens, il ne faut pas que tu l'essayes, on y va. Maintenant, Écoutez simplement, quand le Seigneur leur a donné cette réponse, ils vont continuer encore à la charge. On avance. Qu'est-ce que mon enfant veut là? Il veut seulement passer la doigt avec moi. On avance maintenant. Nous sommes au niveau de où il a conclu son discours parce que l'homme ne sait pas ce que Dieu a dit. Maintenant, ils avancent encore en posant la question. Toute votre attention. Il avance encore pour souvenez-vous, la première question que vous avez été, est-il permis pour un motif quelconque de répudier sa femme? La réponse devait être soit oui à la fin, soit non. Jésus leur a donné directement la réponse. Normalement. Cette réponse, c'est Jésus lui dit qu'il n'y a pas de motif que l'homme répudie sa femme parce qu'en réalité, il ne doit pas répudier parce que c'est Dieu qui les a joints. C'est la réponse à plus dire. Il continue encore en charge, il revient en charge suivante, naturellement. On va faire ces choses-ci. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. C'est maintenant qu'on a fini la rappel, on a commencé la nouvelle. Que Dieu bénisse ici. Matthieu chapitre 19. Nous sommes au verset 7 maintenant. Oui. Pourquoi donc lui dit-il a mis pour les pharisiens. Il l'a mis pour sa lumière. Lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier à femme? Ça, c'est clair qu'ils avaient des problèmes à ce niveau-là. Ils devraient poser des questions normalement, comme on a vu ici. Maintenant, vous voyez que même cette phrase-ci montre clairement que la femme ne donnait pas la lettre de divorce à son mari. La loi donnait au mari le droit de répudier sa femme. Alors, dans le livre de Galates, ici, alors là, je crois que je vous ai dit ça aujourd'hui, Deutéronome chapitre 22. Bien. Allons au chapitre 24 d'abord. Si vous disiez, il y a égalité entre l'homme et la femme, continuez toujours comme ça. On y va. Chapitre 24, vous y êtes d'abord. Oui. Prenons la partie du verset 1. Écoutez très attentivement, frère, lis-toi dans ta version là. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Je vais entendre. Continuons. Supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrit pour elle une lettre de divorce. Donc elle a deux lettres dans sa main maintenant. Et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui, ou bien que le dernier homme qu'il a pris pour une femme vienne à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu'elle a ainsi été rendue impure. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Mais là, je veux que vous gardiez ceci à l'esprit. On dit lorsqu'on lui donne cette première la lettre, elle pourra se marier. Mais dans ce mariage-là, elle est impure. D'autres personnes parlent de souiller. C'est pour cela que nous avons lu aujourd'hui dans Jérémie chapitre 3 que si un homme répudie sa femme, elle sort de la maison de son mari, comme on a lu là, au Jérémie chapitre 3, verset 1 qu'on a commencé aujourd'hui, et qu'elle connaît un homme, est-ce qu'on dit, la question qu'on a posée c'est, est-ce qu'elle pourra, le premier homme pourra la reprendre, tout le prix ne sera pas souillé à cause de cet acte? C'est une abomination. C'est que les gens ne comprennent plutôt seulement pas la pensée de Dieu derrière quelque chose. On trouve ça naturel de commettre le péché. On trouve ça très bon de commettre le péché. On met les pensées sociologiques là-dedans. On croit que c'est ça le problème. Il faut que chacun comprenne quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu dit que c'est une pensée, une chose de souillure? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien. C'est ce verset qui dit que les Juifs devant Jésus disaient que, ok, explique-nous toi pourquoi Moïse a donc plaigné, quand on peut donner. Quand il est divorce. Parce que là, le motif c'est que. C'est vrai que vous êtes les femmes et les hommes ici, ils disent non, vous avez dit que moi je suis trop bizarre. Oh, mais de toute façon là-bas, on a dit que s'il vient à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert quelque chose. Vous comprenez ça, frère? Je ne vais pas parler. Peut-être que le lendemain, les femmes vont me dire au revoir qu'il y en a de là. Donc, mais j'en comprends seulement qu'il n'a pas trouvé dans ses yeux parce qu'elle a trouvé quelque chose que ça ne donne pas. D'accord, frère Il dit que quand il te regarde, là, je dis, rabbi, toi, c'est rabbi. Il dit que motif, son corps là, il y a ces choses là qui est devenu comme la babouche. Bon, maintenant là, je voudrais quelque chose qui est debout comme pour la mandarine. Maintenant, toi, là, vous voyez la lettre, n'est-ce pas? Voilà, la lettre. Il dit, si ce dernier homme la prend en aversion et que pour elle laisse le divorce et après la lui avoir remis en main la renvoi de sa maison, ou bien si ce dernier homme l'a prise, elle pourra plus rentrer là-bas pour se souiller. Voilà le motif que Dieu avait donné, que Moïse avait donné. La question maintenant c'est, qui a dit cela? Rendons dans Matthieu, c'est Matthieu qui nous donne la réponse. Vous voyez que les juifs en réalité ne comprenaient même pas ce que Dieu disait dans la loi. Ils ne comprenaient même pas ce que Dieu disait dans la loi. Vous allez remarquer, si vous lisez votre Bible, vous allez remarquer un moment, le Seigneur Jésus sera assis quelque part. Vous allez remarquer à un moment donné, le Seigneur Jésus sera assis quelque part. Il va emmener une femme qui a été prise en flagrant délit d'adieu. Vous savez ce qu'on appelle flagrant délit, n'est-ce pas? Oui. Madame la spécialiste en juridiction. Qu'est-ce que vous avez dit, flagrant délit? Ah, oui. Donc, ça dit que si on m'a pris en flagrant délit en délivrant ces choses-ci, ça suppose que, on m'a vu, j'avais ces choses-ci. Mais ce qui est curieux, c'est que cette femme-là est amenée devant Jésus seule. Sans sa mari. Quel mari? Il y a une femme qui est dans le lit, la femme commet l'adultère dans le lit. Quand on dit qu'elle commet l'adultère, elle commet l'adultère avec qui? Avec l'homme. Mais dans cette marge, je peux dire, oui, est-ce que vous avez vu, on l'a amenée avec le mari? Il y a un problème avec les hommes. Ils ne comprenaient même pas ce que Moïse disait. Ils ne faisaient même pas ce que la loi disait. Pas de temps que le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 7, verset 19, il a dit, Moïse vous a prescrit la loi et nul de vous n'obéit la loi. Il avait raison de le dire. Et voilà un cas particulier. Et il a dit ça au chapitre 7, chapitre 8, il amène une femme. Il dit que, mais cette femme a été prise en flagrant, je veux dire la femme, a été prise en flagrant délit d'adultère. La question c'est, normalement, qui est prise en flagrant délit, elle devrait normalement comparer avec la personne avec qui elle a commis l'adultère. On l'a amené seul. Lui dit, Moïse nous a prescrit de l'abuser de cette femme. Or, vous allez reconnaître que Moïse a dit que si l'on trouve un homme couché avec une femme qui ne sont pas mariés en train de faire cette affaire-là, tous les deux doivent être l'abuser, il faut que vous enlevez les péchés de Moïse de vous. Ils ont compris ce que Moïse a dit, non, non, c'est la femme qu'on a tuée. Voilà, vous entendez cela. Puis il a dit dans ces gens, je peux te faire dans. Le verset 19, que Moïse a prescrit la loi, mais nous devons obéir et marcher dans la loi. Mais ils étaient contents, ils étaient les suivants de Moïse. Jésus a dit que Moïse, là, que vous avez acheté dans sa chaîne, et qu'il va vous juger, lui, il va vous juger. Parce que même la loi de Moïse, il ne marche pas d'après la loi de Moïse. Alors, donc, ils ont posé la question, nous sommes dans Matthieu encore là maintenant, verset 7. Pourquoi lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre et divorce de la République? Normalement, la question n'a plus de sens parce que Jésus avait déjà répliqué. Alors, en réalité, il voulait poser la question parce qu'on a dit clairement que le but de la question était pour l'éprouver. Malgré qu'il ait répondu à la question, il continue à poser des questions tout pour sortir quelque chose de lui, pour qu'il dise quelque chose contre Moïse. Et on dit, parce que quelqu'un qui vient de vouloir dire quelque chose contre Moïse. Maintenant, il va l'expliquer, mais oui, il a répondu. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est pour d'abord là-bas. Il veut lire partie la suivante. Maintenant, écoutez très attentivement. Vous avez remarqué la façon dont j'ai fait comme si j'étais en train une lettre, non? Regardez le motif pour lequel la matière, chapitre 1, c'est Deutéronome, chapitre 2. Tu crois? Je vais vite là, frère. Non. J'ai compris que c'est parce qu'il y a les mêmes questions de vouloir décharger tout là. Dans le Deutéronome, chapitre 24, devant lui, il a dit lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, c'est comme ça que ça commence au chapitre 24 là, et épousé une femme, et qu'il trouve en elle quelque chose, il ne trouve pas grâce à ses yeux. Donc en réalité, on veut dire qu'il y a un défaut corporel. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit qu'un équipe pour un autre de divorce. Vous avez vu cela? Maintenant, regardez, Jésus dit le pouvoir, Moïse écrivait ceci. Parce que les Juifs avaient déjà contemplé les Égyptiens et la façon que les gars étaient habillés. Les gens avaient des formes, comme les génies faits de bête. On se dit. Bon. Alors il dit ici là qu'il a répondu, c'est à cause de la dignité de votre cœur. Qu'est-ce qui est dans le cœur de l'homme qui était Dieu en ce moment-là? C'est que le modèle, le standard de l'homme n'était pas basé sur l'éthique de la personne, mais sur le physique. Moïse a dit que si ça va l'écrire les besoins, il a prescrit ça comme ça. Donc en réalité, Jésus vient de dire que ce n'est pas Dieu qui avait ordonné cela. puisque Jésus dit Moïse, vous, d'après ce que ça, à cause de la dureté de votre cœur. Puis il continue, au commencement, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la première fois qu'ils ont posé. Ils disent, n'avons pas nous ce que le Créateur fit au commencement, qu'il fit l'homme et la femme. Il a déjà répondu que. Et en fait, il veut dire, le modèle du commencement est le modèle exemple. Le modèle parfait. Donc, c'est à ça qu'il faut se référer. S'il y a n'importe quel problème par la suite, il faut se référer par la suite. Donc, s'il y a un problème par la suite et une incompréhension quelque part, c'est-à-dire que l'incompréhension vient de vous, vous ne comprenez pas. Regardez dans le commencement. Le commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Donc, le modèle, c'est un homme, une femme. Le modèle, c'est comme ils sont ensemble, ils ne se séparent pas. Mais dans ce cas, la séparation est venue d'où? À cause de la difficulté de votre peur, du cœur. Votre cœur a commencé. Vos cœurs ont commencé à diviser certaines autres choses, fixer certains standards qui ne se rencontrent pas dans les femmes. Autrefois, quand les hommes se mariaient, ils ne regardaient pas, mais il faut comprendre. Si les seins de la femme sont debout, ça regarde comme à l'ouest, ça regarde pas là, comme ça. Ils ne regardaient pas ça. Puisque les gens s'épousaient sans voir même le visage d'une femme. Lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 26, on voit le cas d'Isaac. On va prendre sa femme là-bas à voir, M. Rebecca. Il connaissait Rebecca. Hein? Il y avait même un SMS de Dieu à dit que Rebecca a envoyé WhatsApp pour regarder ce voici. Vous savez, des femmes, maintenant, quand un blanc dit que donc, elle part, elle compte qu'on s'est mis le pompé en bas, ça soulève, elle fait une pompe, ça sort ici. Là, le blanc voit que, ah, c'est ça. Après, quand elle vient maintenant, le jour où ils sont dans la chambre, elle enlève sa pompe, ça tombe, bah, le blanc dit, ah, je ne fais pas ça. Permettez-moi de parler comme ça, c'est pour vous, c'est pour vous. Alors, il n'y avait pas de SMS ni de WhatsApp pour que, quoi, Rebecca envoie, c'est que regarde-moi. Non, non, non, non, non, non. Mais la Bible dit que lorsqu'il la vit, il l'aima. C'est ça, frère. Lorsqu'il la vit, il l'aima. Regardez le modèle de commencement. Il n'avait pas de problème et l'ambiguïté là-bas. Même Léa qui avait les yeux humides, vous savez, Léa avait les yeux comme ça. Quand tu regardes par ici, tu crois que tu es pas là-bas. Léa, c'est pas ça, frère. Ah, on a parti de la Bible. Ses yeux n'étaient pas droits comme ça. Quand tu me regardes, vous savez, déjà, elle n'est pas comme ça, pas comme ça. C'est comme ça qu'elle regardait midi 14h. C'est comme ça que Léa était. Malgré cela, il était ça dans son foyer. Jacob ne l'a pas du Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand les Juifs ont commencé à sortir, le fait qu'ils ont vu un modèle chez les Égyptiens, ça les a contaminés. Quoi? Moïse a dit, si je ne prescris pas ces choses, il y aura des désordres dans le peuple de Dieu. Il a dit, ok, si vous ne parvenez pas à trouver. Parce qu'en réalité, c'est que tu rejettes comme ça. Il y a des gens qui aiment les femmes dans le terrain comme le camion ou le désert. Quand ils ont dit, vous me dites, maman, waouh, c'est mon goût ici. D'autres aiment plutôt ce qui est comme là. Vous commencez comme ça, allez, vous avez mangé plus comme ça. Alors, quand Moïse a vu cela, il a commencé à le prescrire, c'était une chose pour limiter les dégâts. Parce que ça va lui, en réalité, ce que tu refuses peut être le goût de l'autre. Comprenez ce que je veux dire? Quand il a prescrit dans cela, c'était pour les taboliser, pour qu'ils ne soient pas dans le désordre. C'est pas ce que vous comprenez. Maintenant, Jésus dit, il faut revenir au commencement. Ils vont continuer. Suivez attentivement. Verset 9 maintenant. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme. Mettez la parenthèse dans sauf pour infidélité. D'accord? Mettez sauf pour infidélité entre parenthèses. Je vais lire tout passant sans liste là. Je vais revenir le jour. Oui. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Et écoutez maintenant, j'ai bien dit, vous mettez quelque chose entre guillemets. Sauf pour infidélité. C'est quoi une infidélité? Je veux que vous me regardez très attentivement. Je vais vous secouer. Et quand je vais vous secouer, ça veut dire qu'on secoue les manguiers là. Je vais vous secouer, puis je vais partir. Écoutez très attentivement. Il a répondu, c'est à cause de la défense. On a dans l'islam, verset 10, verset 9 maintenant. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, il me dit, sauf pour infidélité, mettez l'infidélité de côté. Et qui en épouse une autre, commet un adultère. Qui commet un adultère? Non. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a pris le coup. Il a répudié sa femme. Oui, il a pris le coup à la maison. Mais à condition que ça ne soit pas dans le cas de. Donc, s'il y a infidélité, écoutez, je ne veux pas aller que je veux que vous soyez debout au même rythme avant que les avances. Donc, s'il y a infidélité, il répudie sa femme, il épouse un autre, il est dans l'adultère. Non. C'est quoi l'infidélité? Le fait que la femme. Non, l'infidélité pour la femme, là, c'est quoi? Le fait que l'homme a pris quelqu'un d'autre. L'infidélité, c'est la femme qui commet là. Maintenant, regardez-moi très attentivement. Nous avons lu ici aujourd'hui. Écoutez très attentivement. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais partir. Si vous ne me comprenez pas, je vais dire ça, je serai parti hors de ce pays. Nous avons lu dans Romains chapitre 7 aujourd'hui, verset 1 à 3, que je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi a exercé son pouvoir sur un être tant qu'il est vivant. C'est pour cela qu'en justice, l'une des choses qui arrête la procédure pénale, c'est la mort. Vous voyez, si on a été poursuivi, tu as envoyé l'argent du pays, tu vois, c'est même qu'il mérite ça, comment vous poursuivez? Vous avez composé le cadavre pour les condamner. Alors, la mort stoppe la procédure. Donc, même si on devait se réunir en conclave, vous dites, on va décider, si là, là, c'est terminé, il n'y a plus de décision, la décision a été déjà prise. Alors, cette verset-là dit, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il est vivant. Mais ainsi donc, lui dit ainsi donc, une femme est liée par la loi à son mari. Par la loi, frère. Par quelle loi? Une femme est liée, j'arrive quelque part, je dis, gardez très vite à l'esprit, j'arrive. Une femme est liée à son mari par la loi aussi longtemps que son mari est. C'est même pas encore le problème. De telle en sorte que si du vivant de son mari, elle devient la femme d'une autre, elle sera appelée, et si du vivant de son mari, elle est adultère. Nous rentrons encore dans Matthieu chapitre 19. Qu'est-ce que Jésus dit ici, verset 29? L'homme peut. Et maintenant, si elle part, elle devient la femme de quelqu'un, elle revient. L'homme doit coucher avec elle. Non. Regardez-moi très attentivement. Vous avez fait son appel à cette question là, mais regardez. 1. L'homme a une femme. La femme sort, elle couche avec un homme. On dit que si elle prend encore cette femme-là, il est fichu, n'est-ce pas? On dit que si un homme est marié, il ne se sépare de sa femme sans que ça ne soit à cause de ses choses, cet acte-ci. Il a un problème déjà avec Dieu. Mais à cause de cet acte-ci, c'est qu'il est libre, n'est-ce pas? Maintenant, je veux qu'on vérifie l'acte de l'adulte de la femme. Il faut qu'on vérifie. Pour que vous sachiez que la majorité d'entre vous commettent l'adultère. Matthieu chapitre 5. Les hommes commettent l'adultère. Tout le monde. Matthieu chapitre 5. Vous allez voir. Quand il va lire là. Et pas que la femme. Pas que la femme, hein. Matthieu chapitre 5. Si à tout moment, vous ne voulez pas que j'avance, je vais arriver à m'arrêter là. Matthieu chapitre 5. Vous êtes bien. Je vais d'abord dire verset 27. Matthieu 5, verset 27. Si vous êtes, je lis. Les femmes, vous voulez que je lise et que je parle. Les femmes, vous voulez que je lise et que je parle. Amen. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais une seule femme parle. Vous voulez qu'elle parle, femme. Amen. Verset 27. Ok, maintenant, je vais lire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point. Vous y êtes. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle ou dans son cœur. Je parle. Vous voulez que je parle? Amen. Écoutez tout ça, regardez-moi bien dans les yeux maintenant. Chaque fois que vous allez vous emballer là, comme les hamburgers, écoutez, je mets dans ça. Donc, ça vous confronte, ça? Non, j'arrive là, mais c'est pas toi. Et toi, on a lu le cas qui te concernait. On a mis ton cas dans Proverbe chapitre 6. On a dit, mon fils, garde ces enseignements, que ce soit au-dedans de ton cœur, parce que l'enseignement est une correction, et c'est de suivre une lumière. Puis on a dit que cet enseignement-là, si tu gardes dans ton cœur, ça va te préserver de la femme corrompue. C'est ça, c'est les questions ici. De l'adultère, de la femme adultère qui tient des langages doucereux. Puis on dit, ne la convoite pas dans ton cœur à cause de ça. Vous ne voulez pas parler. C'est parce qu'on a lu aujourd'hui dans ce livre de Proverbe chapitre 6. Là, maintenant, Dieu juste précise que lorsque tu mets dans la beauté, elle met quoi aux yeux des gens? Que ne regarde pas tes femmes, que ne te laisse pas, ne te dis pas, c'est. Alors, et Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme, la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adulte. C'est pour ça que c'est ça que Salomon disait aujourd'hui qu'on a lu dans ce livre d'Ecclésiaste, que ceux qui sont adhérents à l'éternel lui échappent. Parce que tu adhères à l'éternel, tu crains l'éternel, tu suis tes enseignements. Mais les pécheurs, parce que chacun a annoncé lorsqu'il est attiré par ses propres convoitises. Oui, le péché étant consommé, la convoitise étant consommée, produit le péché étant consommé, produit la mort. Donc, la Bible nous dit ici que, souvenez-vous, on nous a dit que vous n'avez pas commis l'adultère, mais moi je vous dis, si vous regardez, vous convoitez, c'est le cas commis l'adultère. Tu portes le pantalon, tu embarques tes fesses serrées comme ça là. Tu marches, les enfants, voilà, je vais t'avoir. Tu viens de commettre l'adultère. Amen. Il faut que vous me regardez bien dans les yeux. Mais c'est pour ça que la Bible a dit que la Bible dit là que tu as déjà commis l'adultère avec elle. Tu me dis quoi? C'est moi qui ai écrit ça. Il dit que c'est que tu as commis l'adultère avec elle. Le vrai problème, ce n'est pas toi-même. Le vrai problème, c'est la femme. Parce qu'elle commet l'adultère sans se rendre compte. Toi, tu convoites, tu as commis. Dieu qui est au ciel sait que tu as commis avec elle. La femme, même si elle est vierge dans ces conditions, elle meurt vierge. Lorsque moi je fais les adultères, elle va passer à l'arc. Elle va passer à la barre. Dieu dit que tu as commis 400 adultères sur la terre. Il dit 400 adultères. On avait dit que c'est un Dieu du ciel, il croit que tu t'es trompé. Après, Dieu va montrer le cœur des gens, les couches de nuit, les masturbations que les gens ont fait à cause de ton habillement. Tu vas rendre compte pour cela. C'est vous. Il y a quoi? Vous voulez dire que. Oui. Les gens vont dire que vous avez les hommes. Comment? Frère Servati, il a dit que cette femme-là se dépassait par exemple dans le vécu. Oui, elle se dépassait par le vécu. Oui. Elle quitte chez elle. Comment tu vas comprendre quelque chose que tu ne vois pas? Elle descend là par exemple. Oui. Ça veut dire que en ce moment. Donc le vêtement finalement n'a rien à voir. En fait, c'est bien plus ce moment. Non, non, c'est juste là, le vêtement qui est posé. Non, je veux dire, tu quittes un point. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, tu vas porter le véhicule, il n'a pas entré à l'eau. Attends, est-ce que c'est le véhicule qui est le problème? Il faut qu'on voie, non? Attends, c'est pour une question. La famille maintenant, elle est venue, oui. Non, non, non, doucement, doucement, c'est pas mon nom. Attends, doucement. Attendez, doucement, calme-toi. Calme-toi. Suis attentivement. Je vais te montrer quelque chose dans la Bible. Je sais pas, parce que vous n'avez pas lu le texte. Bon, je vais suivre, vous allez prendre. Sinon, on va passer toute la nuit ici. Écoutez très attentivement. Supposons que tu te lèves le matin, tu as un frère qui a beau, tu le mets et tu dis waouh, regarde à l'horizon comment le soleil est beau. Comment? Il va dire quoi? Un frère, il ne veut pas répondre maintenant. Tout à l'heure, quand on parlait de femmes, il a demandé. Il dit, supposons que tu prends un immeuble qu'on a construit, on a bien mis les peintures. Il dit que waouh, mon frère, tu vas les jolies peintures là, à un aveu. Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux lui dire quoi là? Tu te moques de lui. Parce que tu veux lui faire comprendre quelque chose qu'il ne voit même pas. Maintenant, suis-moi attentivement. Ah, tu sais que Gaël est très belle. Tu sais comment les fils de Gaël sont non? Tu as vu Gaël là? Tu as vu Gaël? Comment ça tu dis non? Tu as vu Gaël? Non mais regarde là comment tu as arrivé à travailler quelque chose pour vous. C'est valable pour vous tous. Tu as vu Martine comment elle est très belle là? Non, parle pas, faut parler pour moi. Je parle tout le monde en temps ici. Non, je comprends. Tu as vu Martine? Non. Voilà. Comme tu n'as pas vu Martine, tu ne peux pas convoiter. Parce que tu ne sais pas comment ça forme. C'est là où je vais t'amener. Maintenant, la Bible déclare, ne mets point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la convoitise des Il y a quoi des yeux. Donc, le monsieur qui est aveugle ne peut pas convoiter tous ces beautés que vous avez tout autour de lui, parce que lui, il ne voit pas. Il n'a jamais eu une référence pour savoir comment ça se passe. Tu comprends cela? Écoutez très attentivement. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Dit la Bible dans 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 17. Maintenant, si vous lisez le livre des juges, le juge de Josué au chapitre 7, on parle d'un monsieur là-bas qu'on appelle Akan. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là. Lorsque les juifs sont sortis, ils sont arrivés quelque part là-bas, il y a un monsieur qu'on appelle Akan avec sa famille. Vous avez lu cela? Non. Bon, de toute façon, vous allez prendre le temps de lui. Ils sont allés quelque part. Il y avait les interdits. Dieu avait dit clairement que quand vous allez aller quelque part pour lui, il a détruit tout. Quand les gars sont allés dans la mer, il a couru, il a vu, il a entendu, mais il a vu l'or, le manteau et autres. Que Moïse a vu, il est fou. On voit l'argent comme ça, on le tue. Il a pris, il est allé comme ça, caché ça dans sa tente. Écoutez, très attentif. Il a dit que ça, personne ne connaissait. La fois prochaine, quand Israël va être libéré, ils sont sortis comme ça pour aller combattre. Dieu avait dit que tant qu'Israël resterait sous sa protection, personne ne pourrait les battre. Ils sont partis comme ça pour aller combattre, 36 hommes sont morts. Ils sont rentrés, Josué s'est prosterné, dit que Seigneur, mais les autres voisins vont entendre qu'on a battu Israël, ils vont se lever contre nous. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, il y a de l'interdit au milieu de vous. Tu es là? Dieu dit, ok, lève à trois classes les tribus ici, je vais désigner dans telle tribu ça se trouve. Dans telle famille ça se trouve, dans telle maison, allons dans Juge. On va lire l'ascension. Juge, Josué chapitre 7. Si vous voulez, on est parti, dans le Matthieu. Josué chapitre 7. J'arrive pour ça, au niveau des yeux, pour le gros, c'est tout, d'accord? Vous y êtes? Il vient d'appeler le verset 9 maintenant. Josué chapitre 7. Je vais d'appeler le verset 9. Les Cananéens, c'est Josué qui a le prié, c'est prosterné jusqu'au soir avec les anciens d'Israël. D'accord? Il a commencé à faire la prière. Puis il continue ici en disant, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu de pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, donc il répond à la prière. Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont érodées et ont dissimulé et ils ont, les ont cachées parmi leurs bagages. Vous avez cela? Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Prendre quelque chose que Dieu t'a interdit, toute la maison est dans l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Gardez toujours cet esprit-ci, ce verset dans vous. Tant que Dieu t'a rendu, on a parlé aujourd'hui de la ligne de séparation. Tu ne sais pas, tu tournes en rotation, non, garde le vide, tu vas me convaincre. Sache que tu vis dans le péché. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Quand il donne cette tacte-ci, cette déclaration solennelle assemblée, ce garçon devait savoir quel Dieu s'en réservait. Il devait courir rapidement, se prosterner, demander pardon. Il est resté caché comme ça pour qu'on fasse la recherche d'arriver sur lui, quoi qu'on ne peut pas trouver. Vous vous approcherez, verset 14, vous approcherez le matin selon votre tribu, de la tribu que, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par ta famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Pourquoi Dieu ne dit pas que c'est Akan qui a volé? Il a fait une réunion, il dit, toi, on est tombé, oh, c'est telle tribu. Si ce sont c'est Isaacar, on dit, ok, Isaacar, mettez-vous de côté, tout le monde, vous pouvez rentrer. On dit, Isaacar, on dit, tel père, paf, telle famille, sortez. On dit, homme, tous les hommes de cette famille, on dit, c'est toi. Pourquoi on ne peut pas dire depuis que c'est toi? Par la manière de Dieu agir, n'est-ce pas? Verset 15, celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Et lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel est commis une infamie en Israël. Vous voyez la dangerosité d'être dans une famille de quelqu'un qui est idolâtre. Donc on le sanctionne. Jésus se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon cette tribu. Et la tribu de Judas fut désignée. Vous avez vu, ça veut dire que les autres font ouf. Il fit approcher les familles de Judas et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désignée. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Kamri, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Judas, fut désigné. Jésus dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, hein, et il sait que l'ascension c'est le feu. Le Dieu d'Israël est rendu hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Là, quand Dieu a dit c'est lui, tu ne peux plus rien faire. Écoutez, c'est la réponse d'Akan qui nous amène au niveau de la convoitise, là, par conséquent, le sexe avec les femmes. Verset 20. Akan répondit à Josué et il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Il veut se rendre compte, n'est-ce pas? Le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai quoi? Allons dire, j'ai dans le butin un beau manteau de chinéard. 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoité. Il a convoité. Non, non, non. Il a convoité. Non, non, non, non. Je ne sais pas. Il a deux. Il a convoité. Donc, pas convoité sans voix. C'est là où je vais vous amener. Quand il a vu, quand il a entendu un pan dans ce temple-là, il a vu l'ordre de l'humain. Ça a créé un problème. Alors, rentrons maintenant sur les femmes. Lorsqu'une femme part, tu traverses, elle fait le délai comme ça. Je t'envoie en enfer, le délai, je t'envoie en enfer, tu as la suite comme cela. Madame, je peux te prendre ceci avec toi. Tu sais, tu avais oublié de la glace, mais ceci. Tu sais exactement que la glace, si, est elle-même sec. C'est pour ça que vous voyez les filles, quand vous délivrez, vous entendez qu'elle dit que ça fait longtemps, un homme ne me drague pas. Donc elle s'attend à ce qu'on l'a. Vous entendez, c'est la sorcellerie que les femmes ont là. Donc ce qui passe, c'est pour ça qu'elle change d'habit. Tu vois, une fille va au miroir, c'est pour ça que la femme et le miroir, c'est comme ça. Elle va au miroir, elle porte, elle comme ça. Vous entrez à la boulangerie avec une femme, observez, là où il y a la boulangerie avec les verres, avec les vides. Pendant que tu passes pour regarder le père, elle regarde le miroir. Elle passe à côté d'une voiture, observez les regards, toujours miroir. Quelque chose ne va pas chez elle. Elle veut savoir si elle allume bien. Alors quand elle passe, elle fait. Elle se sent donc à l'aise que non. Elle dit, je suis encore marchandable. Je suis encore bon marché. Maintenant, le problème maintenant que la Bible dit, c'est, Jésus dit dans ce marché, chapitre 5, verset 28, il dit, il vous a été dit, verset 27, que tu ne commenteras point dans cette mémoire. Je vous dis, si quelqu'un regarde. Et puis, alors la question c'est, qu'est-ce que l'homme regarde? Toi, tu dis que va dans la voiture. Elle va dans la voiture en montant. Si elle a porté le milieu en montant, plus elle est en haut, plus elle est en bas, plus tu vois son caleçon, n'est-ce pas? Mm-hmm. Elle s'assoit ici devant. Elle regarde de tes yeux. Tu vois, ça. Pendant que tu parles, tu as la sueur. Pourquoi? Que fais-je? C'est ça, mon frère. Quand tu as vu là, même si tu vas de ce point, regarder les plans, quand tu vas finir, l'image est déjà là. Parce que regarde, regarde l'ampoule là. Regarde, regarde l'ampoule. Ferme les yeux maintenant. Tu vois que même en faisant les yeux fermés, tu vois l'ampoule, non? C'est comme ça que son image est. C'est pour ça qu'il y a les couches de nuit comme ça. Les couches de nuit. Il y a les enfants qui vont parler des choses là-dedans. Alors, la femme est une arme de destruction massive. C'est pour ça que Satan a suscité tous ces maudits pour faire tomber les gens dans le péché. Donc, le péché qui règne dans le monde là-dedans, c'est le péché sexuel. Parce que c'est par là où ça a commencé. Ça doit finir par là. D'accord? Matthieu chapitre 29, Matthieu chapitre 19, commençons là-bas. Continuons. Alors là où je voulais vous amener, c'est ceci, c'est que toutes les filles qui portent les mini-jupes et les culottes sont des filles adultères, on les appelle les prostituées de la Bible. Regardez, regardez, il va bien dans les yeux. Regardez, comment la prostituée. Dis-moi, frère Gino, oui. Il y a des habits, plutôt des habits féminins, dès que tu vois la femme mettre ça entre nous, mais qu'on ne peut pas mettre ça. Bon, maintenant, il faut la question. Quoi tu as-tu porté ce que tu as porté? Non, c'est pourquoi tu dis non? C'est parce que la couture là ne va pas avec les hommes. Ça ne va pas avec les hommes. Pourquoi quand elle porte ça, ça ne te dérange pas? C'est pas des non, mais il dit pourquoi quand elle porte, ça ne pose pas problème. Par exemple, oui. En fait, la sœur de Massa est mise, qu'est-ce qu'elle dit? Non, non, non, laisse-la poser la question. Dis-lui qu'elle pose la question. Alors, rappelle-lui la question là. Si tu n'as pas pour toi, si tu as pour toi bien porté et qu'on te prend avoir quand même. C'est-à-dire que si je t'habille, c'est bien parce qu'on va plus t'habiller. On va faire un truc commun avec le 05. Regardez. Quand vous priez, Dieu écoute. Au mieux, est-ce que Dieu sait ce que vous allez demander avant que vous ne priez? Mais vous priez quand même, non? Bon, maintenant. Même si on doit être convoité, comme vous dites là. Je veux encore revenir sur la convoitise. Habille-toi d'abord par un. Quand même. Donc, comme on te convoite, si ta Bible, on te convoite. Si ta Bible, pas, on te convoite. C'est pour ça que tu dis, mieux, je m'habille pas mal. Je m'habille comme je m'habille. Pourquoi je convoite? Écoutez très attentivement. Je recommande encore ce qu'il dit. J'ai dit, est-ce que tu as vu comment Gaël est très séduisant? Tu as vu cela? Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu. Mais si il dit comme ça, et qu'il y a une Gaël que tu avais vu en boîte de nuit qui avait balancé ses intérêts comme ça, ça va dire, oh oui, frère, je veux le Gaël là. Ah, elle me tue seulement. Écoutez. Si vous vous habillez bien, il n'y a rien à voir pour convoiter, parce qu'on voit quelque chose. On va te draguer, mais pas convoiter. Parce que les femmes, naturellement, on a vu dans une autre entreprise, c'est les hommes, naturellement. Quand ils voient comment tu es belle, ils veulent seulement être comme ça avec toi. Non, non, doucement, c'est pour les femmes, j'arrive là. Patience, n'allez pas vite, parce que je veux que vous saisissez. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que si une femme se court, tu ne vois pas la forme, tu ne peux pas imaginer la forme. C'est ce que je suis en train de dire. C'est en fonction de la forme que tu imagines ce qu'elle peut être. D'accord. Si une femme se couvre normalement, tu ne peux pas savoir qu'elle est comme petite comme la Toyota, ou bien que le béret est comme le caterpillar. Tu ne peux pas savoir. C'est souvent quand tu parles avec ta comment on s'appelle ça, c'est comme on dit la go. Tu fais comme si tu fais comme, comme si tu es derrière. Oui, tu fais comme, comme si tu es en retard. Elle avance derrière, tu regardes. Alors qu'elle avance, tu regardes, tu dis, hey, j'ai les bagages. C'est pas ça. Non, c'est ça. Est-ce que vous regardez derrière? On admire sa forme. Ça? Sa forme. Alors si elle habite sa vie sexy, comme tu admires là, c'est comme ça que d'autres voient la même chose. Donc si c'est ta femme, tu dis que j'aime que ma femme soit comme ça. Quand elle marche que demain tu regardes comme ça, l'homme qui est derrière toi voit la même chose que tu vois. Quand tu admires, l'autre admire. Vois comment la feuille, là. Oui. C'est le diable derrière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Souvenez-vous, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, dans Matthieu chapitre 9, enfin non, dans Marc chapitre 9, que si ton œil est pour toi une occasion de chute, ça vaut mieux plutôt que tu rentres comme ça là, étant dans la vie éternelle, que d'avoir comme ça tu pars dans le feu. D'accord? Les femmes vont rendre compte à Dieu, je dis, les femmes vont rendre compte à Dieu pour toutes les hommes qu'ils ont commis. Il y a des femmes qui, par leur barrière, quand ils ont balancé, nous avons fait séparer un mariage. Ou alors, on sort du travail, dans la maison, elle vit dans quelque part. Parce qu'elle m'a dit, oh, je rentre dans la voiture, elle entre, elle s'assoit, elle s'assoit. L'homme conduit, les cuisses sont là, lui, il n'a pas la salive. Tout genre de pensée ne passe pas la tête parce qu'elle a écarté les cuisses. Le vrai problème, c'est que, est-ce qu'elle a des vêtements? Le bon béni, il a déjà dit, quel type de femme elle est? On dit qu'elle est plus amère que la mort. Parce qu'une femme qui est précieuse, garde ces choses-là. La Bible déclare, le vrai problème, c'est que certaines femmes ne savent même pas qu'elles sont comme ça. Elles sont possédées, puissance 4. Et là, dans son cœur, se trouve des pièges. Dans son cœur, se trouve des pièges. Il y a des femmes qui imitent seulement. Le seul sacrifice, c'est quoi? Un jour, nous avons vu le cas de la télévision. Comment ça éduque? Vous voyez une femme qui passe le temps de rendre trace. Ça arrive, je vais vous expliquer. Elle a trace d'abord avec le, vous appelez le grand télévision, une nouvelle télévision. Vous savez, où il y a l'autre qui dans le coup. C'est pas ça. Quand elle commence à faire comme ça, là, elle commence à sortir avec. Parce que la télévision lui a inculqué la notion de tout. C'est ça qu'on fait comme ça. Elle a reçu l'enseignement. En fait, elle est possédée par l'esprit qui est derrière là. Parce que tout cet star-là vient là-bas avec un nom, une fonction pour enfouter les gens. Et quand elle a pris les petites filles, elle sort désormais comme ça. Vous voyez une fille qui avait quelque chose qu'on a marché avec sa petite. Elle achète la vie, elle comme ça. Elle coupe la partie pour monter son nombril dehors. D'autres achètent, elles coupent la partie. D'autres ont le ventre et dos dehors. Qu'est-ce que le ventre fait dehors? Qu'est-ce que le dos fait dehors? D'autres coupent des habits comme ça là. Elles vont chez les couturières. La couturière met le maître là. Elle dit, ah, c'est pas mon âme, mais on coupe ici. Comme ça, quand elle s'assoit. Et là, quand elle s'assoit au milieu des gens, là, comment elle fait? Elle prend le ventre, elle coupe comme ça. Pourquoi elle fait encore comme ça? Il dit, dis-moi, je peux m'expliquer pourquoi elle fait encore. C'est pas elle qui a coupé ça. Pourquoi elle fait encore maintenant le. Vous appelez les. Elle a encore la robe, elle jette la dessus parce qu'il y a quelqu'un devant elle. C'est un témoignage que, un, elle est possédée. Parce qu'elle n'est pas possédée, elle aurait fait que ça descende. D'autres, elles vont au marché là, elles prennent les habits, elles prennent le sac de l'homme, elles mettent comme ça. Elle arrive en bas, elle dit, oh, elle cherche plus sa petite soeur, elle cherche plus sa petite soeur. Elle prend, elle va à la maison, elle fait tout. Elle dit, si, ça monte, si, ça monte. Mais pour elle, son pied avec sa taille, elle est pas en train de faire une petite soeur. Elle a quelque part une petite soeur, fait. Même pour quitter, même, c'est un problème. Alors, je veux que vous me dites, ce n'est pas la possession. Il dit, ce n'est pas la possession. D'autres encore, j'arrive là. D'autres encore, elles ont un monde là, c'est comme le sel, comme pour le. D'autres me mettent encore, c'est bien, d'autres encore, c'est terrible. Même mon lait, c'est gros comme ça là. Elle porte ça. Vous voyez, c'est serré ici. Elle marche comme ça. Je ne sais pas si elle a dit que bon. Elle souffre, tu vois. Elle a le caillot, tu vois. elle fait comme ça, mais elle est toujours dedans. C'est ça qu'elle est possédée, parce que normalement, elle doit avoir une marque ici. Oui. Mais elles sont toujours là comme ça, parce qu'elles ont vu ça, c'est pas comment une fille fait comme ça. Elle n'est pas que celle-là ne porte pas ça constamment. Elle est comment faire la publicité que acheter. On la paye, elle sort, elle est constamment là. Plus tard, qu'est-ce qu'elle va faire? Écoutez, ce sont les femmes ici. Elle marche comme ça. Elle dans le pied, fait mal. Dans son petit sac, se trouve encore la bouche. Dans la femme, elle possédée sans savoir. Elle marche partout, elle a deux chaussures. Quand ça fait mal, elle dit, ah, je sais, la chaussure ici. Elle est fatiguée de ça. Mais elle a ça avec le pied, l'autre bouche dans le sac. Les femmes sont possédées. Puissance 4 même. Non, pas laisse-moi d'abord parler. Laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi parler. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que Dieu est en train de dire que les femmes, leur accoutrement peut pousser les gens dans l'adultère. Et le vrai problème, c'est que cette adultère-ci, elle le fait parce que l'expression de son cœur est un filet. On a vu son livre à Ecclésiaste. Et cette expression de son cœur qui est à l'intérieur, on dit, quand elle attrape un homme, c'est pour la mort qu'elle entraîne. Chaque fois que tu vas regarder, il faut te dire, petit à petit, l'homme vient à la maison, il est transformé. Il aimerait que sa femme porte tel style d'habit. Il aimerait que sa femme soit sexy. Mais pourquoi tu t'habilles toujours comme une mère? En fait, parce qu'il y a une fille à dehors qui a tourné ses fesses là-bas comme les frondes. Il a vu que c'est le modèle là-bas. Elle, où est-ce qu'un homme l'a pris? Elle a vu à trace. Vous voyez que normalement, quand elle n'est pas installée, elle tend le cou comme ça. Vous voyez, son cou est tendu. Elle fait les entraînements. Vous voyez, ce qui mange comme ça. Son nez est plat comme ça. Tu trouves ton nez est droit comme moi, elle dit merci. Mais même si on la trompe, elle dit lui merci. Le nez est plat comme ça. On ment les filles, elle ment les gens, elle se trompe. L'adultère est à la porte de nous tous. Maintenant, Jésus dit, sauf pour cause d'infidélité. Alors, une femme qui porte devenir du au marché en rentrant, elle est infidèle. Donc, son mari a le droit de divorcer, n'est-ce pas? Et si, comment tu fais maintenant? C'est la Bible là, non? Oui. Et si maintenant son mari couche encore avec elle, elle suit tout le pays parce que beaucoup de personnes doivent coucher avec elle avant qu'elle rentre. N'est-ce pas? On voit que les hommes qui achètent les couches à leur femme, ce sont des problèmes eux-mêmes. Bonne soirée.